De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Nous allons maintenant vous parler d'une boisson millénaire qui gagne en popularité en Occident, mais autour de laquelle gravitent beaucoup de croyances. On l'appelle kombucha. Pour nous en parler, je reçois Camille Bélanger-Vincent. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va. Donc, aujourd'hui, oui, je vous parle du kombucha, qui est une boisson dont j'ai moi-même appris l'existence il y a quelques mois à peine. Je savais même pas jusqu'à hier que ça existait. Ah, OK. Moi. Bon, ben voilà. En fait, c'est une boisson qui est consommée depuis plus de 2000 ans, mais surtout en Orient, donc notamment en Mongolie, en Chine, en Russie. On dit que c'est une boisson qui est originaire de Chine au départ. Faut dire qu'ici, sa commercialisation, donc en Amérique du Nord, s'est fait beaucoup plus tard, soit dans les années 70, avec notamment la montée du mouvement hippie, surtout en Californie. Là. J'imagine, effectivement. Bon, en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, kombucha? C'est pas très compliqué, en fait. C'est un thé vert, un thé, en fait, vert ou noir, qui est sucré, auquel on ajoute une culture de levure et de bactéries qu'on laisse fermenter. Donc, c'est un thé fermenté, en fait. Okay. Physiquement, ce que ça crée, c'est une espèce de membrane visqueuse, peu appétissante, d'ailleurs, de quelques centimètres d'épaisseur, qui va se déposer à la surface du liquide. On l'appelle la mer, d'ailleurs, parce que durant la fermentation, cette couche donne naissance à une nouvelle petite membrane là, qui pourra à son tour être utilisée pour faire fermenter un nouveau thé, donc un nouveau kombucha. OK, pour s'ensemencer automatiquement, oui, c'est ça? Oui, exactement. Concrètement, ce qui se passe durant la fermentation, c'est que le thé s'acidifie à cause de la formation d'acide par les bactéries et création également de gaz carbonique, là, ce qui rend la boisson pétillante. C'est important aussi de savoir, moi je le savais pas, que c'est logique là, tout de même, mais qu'à cause de la fermentation, le kombucha peut contenir de l'alcool. On parle d'un pourcentage relativement faible, un maximum de 2%, mais quand même, ça peut être intéressant de le savoir avant de le consommer, parce que comme on le voit par exemple à Québec, c'est pas présenté comme une boisson alcoolisée. Ah, c'est un fait. Ouais. Et beaucoup de gens croient que ce breuvage a des propriétés curatives. Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, c'est considéré vraiment comme une boisson santé. Comment c'est présenté là actuellement? Par contre, là où ça se corse, selon moi, c'est que il y aurait des propriétés vraiment thérapeutiques à ça, non seulement de dire que c'est santé, que ça peut être bon pour le système digestif, etc., mais ça a acquis une réputation notamment reconnue pour ses propriétés pour combattre la calvitie, le syndrome de fatigue chronique, l'arthrite, la sclérose en plaques et même le cancer. Okay. Bon. Mmh. Tout ça n'a jamais été prouvé. En 2003, il y a eu une revue systématique des études cliniques qui ont déjà été faites sur la question. Et cette revue-là montrait qu'aucune de ces études cliniques-là ne démontrait l'efficacité médicinale du produit. On concluait que les bénéfices non prouvés, en fait, ne contrebalançaient pas pour les risques documentés liés au kombucha, des risques dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et donc, que la boisson ne devrait pas être recommandée pour un usage thérapeutique. Dans le fond, on n'était pas certain, donc en cas de doute, on s'abstient. Okay. C'est un peu ça. Il y a toujours l'effet placebo qu'on pourrait souhaiter. Oui, exactement. On peut dire ça, mais en même temps, en tout cas, oui. On peut dire ça n'importe quoi aussi. Exactement. Par contre, c'est clair qu'en tant que probiotique, parce qu'il s'agit de ça a des propriétés de probiotique, on parle de ses vertus pour favoriser la digestion, renforcer le système immunitaire, pardon, et ça, c'est davantage reconnu. Et quelle est la position de Santé Canada dans tout ça sur ce produit-là? Oui, c'est une bonne question parce que pour ce qui est du kombucha en général, on s'est pas prononcé sur la question. Par contre, Santé Canada a certifié le kombucha de la compagnie québécoise Rise, qui est d'ailleurs la première à avoir commercialisé le produit au Québec, une compagnie qui date, si je me trompe pas, le 2005 ou 2007. Okay. Donc quand même, ça fait un petit moment qu'ils sont implantés au Québec. Santé Canada a certifié le produit comme étant une boisson détoxifiante, antioxydante et qui améliore la digestion. Ah bon. Donc quand même. Oui, c'est ça. D'après mes recherches, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aurait pas vraiment de grand danger à consommer avec modération, et je dis bien avec modération, du kombucha. D'ailleurs, comme le font remarquer certains nutritionnistes que j'ai pu consulter, entre boire un Coke et un kombucha, vaut mieux y aller avec le thé fermenté qui est sucré, faut le dire, mais c'est l'équivalent d'un cube par tasse de kombucha, donc la quantité de sucre est minime par rapport à celle là, d'une liqueur comme le Coke, là, par exemple. Tout à fait. Pour ce qui est de ses propriétés médicinales, faut pas se leurrer, il y a rien qui est prouvé jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, et avoir la manière qui est commercialisé le produit en Amérique du Nord, j'ai plus l'impression qu'on veut en faire une boisson de rechange plus santé aux produits très sucrés qui sont offerts sur le marché là, que comme une réelle solution thérapeutique. Une alternative intéressante. Oui, c'est ça. Par exemple, à Québec, là, comme je vous l'ai dit, le kombucha est vendu dans les épiceries, dans des dépanneurs. Moi, depuis que je sais c'est quoi, on dirait que je le vois partout. Peut-être que ça va vous faire ça aussi demain. Vous allez commencer à le voir partout, dans des cafés, même dans des restos. On est loin de la pharmacie, là. Oui, c'est un fait. Et pourtant, cette boisson, avec quelques propriétés curatives que ce soit, il me semble que qu'elle aurait été récupérée par l'industrie pharmaceutique. Ben, c'est ça. Par contre, elle n'a pas de valeur thérapeutique connue. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, elle a ses limites, pour l'instant, à tout le moins. Et il semble être admis par tous qu'il faut consommer cette boisson avec modération. Ça, je l'ai dit aussi plus tôt, c'est un produit acide et consommé en très grande quantité, ça peut avoir des effets nocifs sur la santé. Les bactéries rejettent, créent de l'acide, en fait. Donc, ça a ses limites à ce niveau-là. Il faut pas en consommer en très grande quantité. Notamment, là, en 1995, il y a eu un rapport aux États-Unis qui a relié le kombucha au décès d'une femme en Iowa et au problème de santé d'une autre, on a relié les deux femmes finalement par le fait qu'elles étaient toutes deux de ferventes consommatrices de kombucha. Dans ce cas précis, le produit en soi n'est pas nécessairement à blâmer. Bon, dans un des deux cas, je crois qu'il y avait l'acidité, justement, qui avait créé des problèmes au niveau intestinal. Mais dans l'autre cas, c'était plutôt le fait que la consommatrice... en fait, il y a plusieurs consommateurs aussi là de kombucha qui le préparent eux-mêmes, chez eux, dans des conditions pas toujours optimales. Et il faut quand même se rappeler qu'on travaille avec des souches de bactéries et de levures. Il y a quand même des mesures d'hygiène de base à respecter. Et c'est pas tout le monde là, qui peut se permettre de faire ça. C'est d'ailleurs un point qui m'a tracassé durant ma recherche. Là, plusieurs compagnies de kombucha, dont la compagnie québécoise Rise, proposent à leurs clients un kit de base pour faire leur propre production. Donc, vendent la souche, en fait, parce que le reste, c'est du thé et du sucre. Là, rien de très compliqué. En tant moi-même que microbiologiste, ça m'a un petit peu perturbée. Là. J'aurais pas recommandé un tel produit là, pour la simple et bonne raison que les risques de contamination du thé par d'autres micro-organismes sont grands. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans le cas d'une des dames qui avait des problèmes pulmonaires. Et finalement, ce qu'ils ont retrouvé, c'était dans des poumons une souche je me souviens plus c'était quoi le genre de bactérie, mais c'était un champignon, je crois, qui était pas censé être là et qui avait donc contaminé ses poumons. C'est ce qui aurait causé les problèmes d'une des deux femmes là, aux États-Unis. Et donc finalement, tu sais, c'est pas parce qu'on aime la boisson et qu'on veut l'en faire chez nous qu'on devient automatiquement microbiologiste. Donc ça, selon moi, c'est ce qui m'a plus le plus perturbé à faire attention, disons. Tu as tout à fait raison, effectivement. Ouais. Alors, merci beaucoup, Camille, pour avoir fait le point sur cette boisson. Et on va passer en pause musicale, après quoi on vous revient avec Frédéric Bouchard.